إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه يعج بالحياة والأحياء في حركة دائمة لا تهدأ ولا تتوقف، وسيأتي عليه يوم يفنى فيه من عليه ويهلك، ثم ينفخ في الصور فتنتهي الحياة في الأرض والسماء. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخة هائلة مدمرة يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء ولا يقدر على العودة إلى أهله وخلانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. كل هذا أيها المسلمون والمسلمات إشارة أن الساعة تأتي بغتة، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طرف أي عين صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر، مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان ذريان. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الإمام الترمذي: قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. أيها المسلمون، اعلموا أنكم ستحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك، إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يكسى العباد، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. Chers musulmans et musulmanes, sachez que la terre dans laquelle nous vivons est une terre qui pépite de vie et de vivant, une terre sur laquelle, à sa surface, il y a une animation sans cesse, il y a des mouvements sans cesse, ni qui ne s'arrêtent, ni qui ne diminuent dans leur fréquence. Et viendra un jour, chers musulmans et musulmanes, où cette terre connaîtra une fin. Viendra un jour où cette terre sera détruite. Viendra un jour où l'on soufflera dans la trompe et toute vie dans les cieux et dans la terre sera amenée à disparaître. Il dit subhanahu wa ta'ala, et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Ce souffle qui sera terrifiant et destructeur, les gens qui l'entendront ne pourront, après l'avoir entendu, diriger de conseil à qui que ce soit. Ceux qui auront entendu ce souffle de la trompe ne pourront pas retourner vers leur famille et leurs proches. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, dans son sahih, il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'heure arrivera lorsque deux hommes auront étendu leurs vêtements, c'est-à-dire l'un pour le vendre, l'autre pour l'acheter. Ils n'auront le temps ni de l'acheter, ni de le vendre, ni de les plier. Et l'heure viendra, alors qu'un homme partira avec le lait de sa chamelle qu'il ne pourra boire. L'heure viendra, alors qu'une personne aura préparé son puits, c'est-à-dire l'aura façonné et l'aura mis à disposition, mais ne pourra jamais en tirer de l'eau. Et viendra l'heure, alors que l'un d'entre vous aura une bouchée de la nourriture dans ses mains qu'il ne pourra pas manger. Ceci, chers musulmans et musulmanes, nous enseigne que l'heure arrivera de façon soudaine et brusque. Il dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-A'raf, lourde elle sera dans les cieux et la terre, elle ne viendra à vous que soudainement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des détails sur cet ange Israfil qui a pour rôle de souffler dans cette trompe. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, les yeux de celui qui va souffler dans la trompe sont prêts et dirigés en direction du trône, de peur que l'ordre ne lui soit donné, et qu'il ne l'entende pas. Ses yeux sont comparables à des lustres. Ses yeux sont comparables à des astres illuminés. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, comment puis-je être heureux alors que celui qui va souffler dans la trompe a déjà la trompe dans sa bouche et son front est baissé, il est tout ouï et il attend qu'on lui donne l'ordre de souffler pour souffler. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit, que devons-nous dire aux envoyés d'Allah? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, dis Allah nous suffit. C'est en lui que nous plaçons notre confiance. Nous plaçons notre confiance en Allah, notre Seigneur. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que vous serez ressuscités, nus, les pieds nus et incirconcis. Aïcha radiallahu anha dit au envoyé d'Allah, les hommes et les femmes se regarderont mutuellement. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la situation sera bien trop difficile et complexe pour qu'ils aient le souci de se regarder les uns des autres. Vous serez ressuscités, pieds nus, nus et incirconcis. Puis il a récité la parole d'Allah azzawajal. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. Cela est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, puis les serviteurs seront vêtus et le premier à être vêtu le jour du jugement sera Ibrahim alayhi salam. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أؤتوا آدم، فيأتون آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، فيقدم كل واحد منهم عذره، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. للبروفيت صلى الله عليه وسلم a dit dans le hadith authentique rapporté dans le sahih de l'imam Muslim. Il dit sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah azza wa jal réunira le jour du jugement les premiers et les derniers sur une seule et même esplanade. Ils entendront les paroles qui leur seront prononcées et ils seront visibles de toutes parts. Car cette terre du rassemblement sera une terre plane. Il n'y aura ni vallée ni montagne. Ainsi, tout le monde pourra facilement être vu. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, et le soleil se rapprochera le jour du jugement des créatures, jusqu'à être extrêmement proche d'eux, et les gens commenceront à suer, et leur sueur sera proportionnelle aux actes qu'ils auront accomplis dans cette vie d'ici-bas. Certains seront recouverts de sueur jusqu'à leurs chevilles, d'autres jusqu'à leurs genoux, d'autres jusqu'à leur bassin, et d'autres seront recouverts de leur sueur. Et les gens seront pris d'effroi, et seront pris de soucis, et de terreurs qu'ils ne pourront supporter. Ainsi ils se diront les uns les autres: ne voyez-vous pas la situation dans laquelle nous nous trouvons? Ne voyez-vous pas la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés? Ne voyez-vous pas une personne qui puisse intercéder en notre faveur auprès de notre Seigneur? Et les gens diront les uns les autres: allez voir Adam alayhi salam. Ils iront voir Adam, puis Nuh, puis Ibrahim, puis Moussa, puis Isa, et chacun de ces prophètes d'Allah Azzawajal apportera une excuse et dira qu'Allah Azzawajal est aujourd'hui énervé et courroucé comme jamais Allah n'a été énervé et courroucé. Puis ils se rendront chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et je partirai jusqu'à arriver en dessous du trône, et je me prosternerai alors devant mon Seigneur. Puis Allah Azza wa Jal me facilitera et me permettra de le louer et de faire ses éloges d'une façon qu'il n'a permis et qu'il n'a donné à aucun avant moi. Puis il sera dit: ô Muhammad, lève ta tête, demande, l'on te donnera, intercède, nous accepterons ton intercession. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je lèverai alors ma tête et je dirai: ô Seigneur, ma communauté, ma communauté. وينصب الميزان فتوزن به اعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر دواوين الخلق، وهي صحائف الأعمال التي كتبها الملائكة الحافظون، فيعطى كل إنسان كتابه مفتوحا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه ويقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، يعني تيقنت الحساب وعملت له. وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره إذلالا وتقريعا، ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ويحاسب الله الخلائق من الإنس والجن إلا ما استثني، مثل 70,000 الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ويخلو الله بعبده المؤمن ويضع عليه ستره فلا يسمعه أحد ولا يراه أحد، ويقرره بذنوبه، عملت كذا وعملت كذا، فيقر ويعترف. ثم يقول الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار فينادى بهم على رؤوس الخلائق، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ويختم الله على أفواههم، وتشهد عليهم ألسنتهم وأسماعهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que la balance, que les balances seront mises en place le jour du jugement, des balances qui serviront à peser les actions des serviteurs. Il dit Azza wa Jal, celui dont la balance est lourde seront les bienheureux, et à ceux dont la balance sera légère, ce sont eux qui ont ruiné leurs propres âmes, et ils demeureront éternellement en enfer. Puis, les livres et les manuscrits dans lesquels sont enregistrés les faits et gestes et paroles de chacun seront alors donnés à chaque personne. Il dit subhanahu wa ta'ala, et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre, et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, en parlant du croyant qui recevra son livre par sa main droite, il lui sera dit, il dit Allah Azza wa Jal, quant à celui à qui on a remis le livre en sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. C'est-à-dire, j'étais sûr d'y trouver mon bon compte, et j'ai œuvré pour cela. Quant aux mécréants, il lui sera donné son livre par sa main gauche, de derrière son dos, ceci en guise d'humiliation. Et il dira, quant à celui, il dit subhanahu wa ta'ala, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité que l'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort soit la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a maintenant quitté. Et Allah Azza wa Jal jugera l'ensemble des créatures, les djinns comme les humains, sauf ceux qui auront cette exception, à savoir ces 70 000 dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. Puis, chacun devra rendre compte de façon personnelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux croyants, Allah azza wa jal le cachera. Il ne sera vu de personne et Allah azza wa jal lui fera admettre ses péchés. Il lui dira « Tu as commis telle et telle chose, tel jour, à tel endroit. » Il admettra cela et reconnaîtra ses erreurs. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dira « Je t'ai caché. » J'ai caché ces péchés pour toi dans cette vie d'ici-bas et je les pardonne pour toi aujourd'hui. Quant aux mécréants et aux pervers, l'on les appellera au vu et au su de tous et il leur sera dit, ceux-là sont ceux qui ont traité, sont ceux qui n'ont pas cru en leur Seigneur, que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. Puis Allah Azza wa Jal scellera leur bouche et c'est alors que leur langue, leur oui, leur vue, leurs mains, leurs pieds, leur peau témoigneront de tout ce qu'ils auront accompli et œuvré. Il dit subhanahu wa ta'ala, en parlant de ces pervers et de ces mécréants, ils diront à leur peau, pourquoi témoignez-vous contre nous? Et leur peau répondra, Allah nous a donné la faculté de parler. Lui qui donne la faculté de parler à toute chose. Et c'est lui qui vous a créé la première fois. Et c'est vers lui que vous retournerez. Vous ne pouviez vous cacher au point que votre oui, votre vue et vos peaux ne puissent pas témoigner contre vous. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné de la sorte. Et que vous êtes devenus maintenant du nombre des perdants. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ثم تفكر أيها المسلم وأيتها المسلمة فيما يحل من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط قال صلى الله عليه وسلم وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كبر كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرحال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا وقال صلى الله عليه وسلم وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش أي مجروح مقطع الأعضاء ناج وناج ومكدوس في النار أي مدفوع ومطروح رواه مسلم في صحيحه. Chers musulmans et musulmanes, que chacun d'entre nous réfléchisse aux étapes de l'au-delà qui attendent chacun d'entre nous, réfléchis à cette peur qui va t'envahir lorsque tu auras devant toi le pont qui sera établi au-dessus de l'enfer. Réfléchis à cette terreur qui t'enveloppera lorsque tu verras à quel point ce pont est étroit, comme l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Réfléchis à ce moment où tu verras ce pont étroit comme un cheveu, et lorsque ton regard sera porté sur l'enfer en dessous de lui. Quelle sera ta réaction? Comment seras-tu lorsque l'on te demandera de traverser ce pont, alors que tu connaîtras ta situation faible, alors que ton cœur sera déstabilisé, tes pieds ne sauront peut-être pas tenir l'équilibre, et ton dos portera l'énorme charge des péchés que tu auras commis dans cette vie d'ici-bas, des péchés qui sont lourds sur tes épaules, qui t'empêcheraient de marcher convenablement sur la surface de la terre. Comment alors traverser un pont aussi étroit? Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, puis on enverra le dépôt et le lien de parenté. Chacun se positionnera de part et d'autre de son pont, de ce pont. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, et le premier d'entre vous traversera ce pont à la vitesse d'un éclair. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, quelle est la vitesse de l'éclair? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, ne voyez-vous pas l'éclair comme il apparaît et disparaît en un clin d'œil? Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, puis le suivant traversera le pont à la vitesse du vent, puis un autre à la vitesse d'un vol d'oiseau, puis l'autre à la vitesse d'une monture. Ils traverseront le pont en fonction des actes qu'ils auront commis et qu'ils auront accomplis dans cette vie d'ici-bas. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, et votre prophète sera debout sur le pont et il dira, ô Allah, salut, salut. C'est-à-dire, ô Allah, facilite, facilite. Ô Allah, sauve, sauve. C'est-à-dire, les membres de ma communauté. Jusqu'à ce que vienne un homme qui ne pourra ni marcher et qui ne pourra traverser le pont qu'en marchant à quatre pattes. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, et il y aura de part et d'autre de ce pont des crochets qui seront suspendus, des crochets à qui on ordonnera de saisir ceux qu'on leur ordonnera de saisir. Certains seront blessés par ces crochets, d'autres échapperont à ces crochets, et d'autres seront pris par ces crochets et jetés en enfer. Wal'iyadu billah. Nasallu Allah azza wa jal an yaj'alana hudatan muhtadin ghayra dhalin wa la mudhillin, wa nasaluhu tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yasta'idduna li ahwali yawm al-qiyamah alladhina yatazawwaduna bit-taqwa وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره واجعله عبرة للمعتبرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.